L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Bonsoir, très heureux de vous retrouver en ce mercredi sur l'antenne de RGB. L'apostrophe, l'émission, une émission qui est diffusée à cette heure-ci le mercredi et rediffusée samedi prochain. Nous serons le 12 janvier de 9h à 10h pour les matinaux. Bonjour à chacun, à chacune de nos auditeurs et auditrices. J'adresse tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année avec, en ce temps de crise, encore plus de place aux arts et à la culture pour à la fois embellir notre vie, pour nourrir la curiosité et les passions de tous et de chacun. Nos invités pour cette nouvelle édition de l'Apostrophe, l'émission, Jean-Joël Le Chapelain, directeur de l'Apostrophe, la scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise. Bonsoir Jean-Joël. Joël. Bonsoir. Monique Plouchard, directrice du théâtre Paul-Éluard de Beson, scène conventionnée dans le Val d'Oise. Bonsoir. Bonsoir. Bernard Matona, directeur de l'art à la direction des actions culturelles à la ville de Gonesse. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, Benoît Lahose, comédien, metteur en scène. Alors, j'avais sur mes notes du spectacle L'Ange Carazuelo. Mais c'est le nom de la compagnie, l'Ange Carazuelo. Voilà, et le spectacle, c'est un petit à côté du monde, un petit à côté du monde. Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Enfin, nous aurons également en cours de cette émission une autre invitée que nous avons enregistrée pas plus tard que ce midi même. C'est Judith De Paul, avec qui nous parlerons de corps de femmes. Pour l'heure, commençons par le commencement avec notre première partie. Prochainement, à l'affiche. À l'affiche, eh bien, c'est une actualité qui va se dérouler d'ici peu, du 22 janvier au 9 février, Festival Armélé, 9e périphérique. Le mot, eh bien, à Jean-Joël Le Chapelain, directeur de l'Apostrophe, et avec effectivement ses complices, des connivences artistiques, parle-t-on même dans ce département, en ce qui concerne vos trois structures? Absolument, et c'est une connivence qui remonte à bientôt 10 ans, 9 ans exactement, puisque ça fait 9 ans que nous partageons, Bernard Matona, Monique Plouchard et moi-même, des réflexions et des propositions pour proposer au public eh bien, un parcours dans des arts atypiques. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'on a en fait cette année inverser les termes de notre projet, mais ça demeure le même projet. C'est les arts mêlés qui sont en avant plutôt que périphériques, mais c'est encore un périphérique malgré tout. Et donc cette édition est une nouvelle avancée qui permet de présenter les œuvres totalement surprenantes parfois et intéressantes de nombreux jeunes et moins jeunes artistes. Monique Plouchard, un petit mot concernant ce travail de complicité artistique sur ce département, avec l'idée effectivement que les œuvres doivent à la fois circuler sur ce territoire du Val d'Oise, et on sait que quand on connaît bien notre département, il s'agit de territoires au pluriel, donc en effet il faut créer des initiatives comme celle-ci. Et oui, outre ce qu'a dit Jean-Joël et auquel on est tous complices, effectivement, parce qu'on adore périphérique, on adore justement le projet de périphérique, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est d'amener peut-être les publics, puisque effectivement il y a cette question de territoire, à appréhender ces nouvelles formes d'écriture scénique, multiples et absolument enrichissantes pour tout le monde. Bernard Matona, en dehors de la circulation des œuvres et des publics dans ce département, périphérique, c'était peut-être un titre qui n'était pas suffisamment évocateur. Armélé a pris le dessus. Oui, enfin, bon, c'est une manière aussi d'être très clair par rapport à l'ensemble des publics, comme tous, on essaie de toucher le maximum de public. Hein. On n'essaie pas de s'intéresser qu'à la petite frange intellectuelle, élitiste et surgavée de culture. Ce qui nous intéresse, c'est le grand public, c'est le tout public, c'est le public familial, c'est le public de nos structures, mais aussi, on nous demande d'élargir les publics. Eh bien, écoutez, on croit être plus clair en parlant d'art mêlé et en respectant quand même notre charte qui est périphérique, c'est-à-dire de l'autre côté du périphérique, au bord des choses, et puis périphérique aux formes quotidiennes de ce qu'on a l'habitude de voir en danse, art plastique, théâtre, musique. Voilà. On parle même de formes atypiques, on va le découvrir au cours de l'émission avec la présentation de la programmation de cette 9e édition de Périphérique, Festival Art Mêlé. À l'affiche, première. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. La première, eh bien, ça va être autour d'un événement qui se retrouve sous une, finalement, dans le cadre d'une journée de partage autour du rock'n'roll avec un intitulé Rock'n'Roll Saturday. Ça se déroulera au théâtre de Beson le samedi 26 janvier. De quoi s'agit-il, Monique Plouchard? Oui, on a eu envie, effectivement, dans le cadre de ces arts mêlés, de présenter une. C'est la première fois que nous faisons ça dans Périphérique Art Mêlé, de présenter dans la même journée ou un même week-end, parce que en fait on a dû décaler, ça devait être vendredi et samedi, mais ça va être jeudi et samedi. On a eu envie effectivement de présenter des artistes multiples et des artistes complètement différents, mais là pour le coup il s'est avéré qu'une thématique s'est dégagée, le rock'n'roll. Bon alors bien sûr pas comme on l'attend, c'est bien aussi l'objet de notre festival. Donc il y aura deux spectacles samedi, je vais commencer par ceux-là, dans le Rock'n'Roll Saturday. Il y a Andrea Sitter, une artiste que nous connaissons bien au théâtre de Beson, une artiste qui a été formée à la danse classique. Quand on a dit ça, on voit une grande blonde magnifique de type suédoise et danser de manière très académique. Et ben pas du tout, elle est complètement déjantée sur scène, elle est vraiment incroyable. Et là, elle va travailler un sujet qui n'est pas aussi classique que cela. Tout à fait. Puisqu'elle va traiter du suicide. Elle va traiter du suicide, mais elle va le traiter de manière tout à fait atypique, bien évidemment. Elle va être accompagnée d'un percussionniste et elle va travailler sur les voix humaines de Jean Cocteau. Elle va détourner un petit peu aussi ce texte-là. Et c'est un spectacle qu'on va voir dans le studio du théâtre. Alors ça, c'est pas habituel, mais en tout cas, c'est ainsi que nous l'avons conçu avec elle à 19h ce samedi-là. Et il y a des lumières absolument fabuleuses et on va être absolument bousculé par ce texte et cette danse. Avec un traitement rock'n'roll ou un état d'esprit rock'n'roll ? Un état d'esprit rock'n'roll, absolument. Mmh. Et un traitement, bien évidemment. Alors, cette thématique, eh bien, peut se travailler sous des formes diverses, des variations sur la scène pour ceux qui voudraient se plonger dans cet univers du rock'n'roll, avec un autre spectacle, cette fois-ci de Pierre Rigal, Micro. Oui. Micro de Pierre Rigal. Alors Pierre Rigal, là aussi, c'est un artiste qu'on affectionne particulièrement au théâtre de Beson. On a reçu plusieurs de ses pièces. Pourquoi on l'affectionne ? Parce que lui aussi, on ne sait pas où le mettre. Justement. C'est un inclassable, donc vous l'affectionnez pour ça. Absolument. On l'adore pour ça, parce qu'il a un talent incroyable pour aller puiser n'importe où, n'importe comment, j'ai envie de dire, pour soutenir ses propos à chaque fois. Et enfin, quand je dis n'importe comment, il ne faut pas croire que c'est n'importe comment sur scène. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il peut aller chercher tout ce qu'il veut et comme il veut des médiums de scéniques incroyables. Avec l'idée, là, comme ce festival porte bien pour le coup son nom, Art Mêlé, puisqu'il est question de chant, de musique, de dramaturgie, de danse, de lumière aussi, un ensemble effectivement de croisées de pratiques artistiques qui se retrouvent dans un même spectacle. Absolument. Dans ce spectacle-là, effectivement, on va voir comment des musiciens, c'est les Moon Palace, c'est un groupe de musiciens rock. Comment Pierre Rigal les met en scène et comment ils arrivent à nous ficher un bazar pas possible sur le plateau accompagné d'une danseuse quand même. Hein. Alors, pour cette rock'n'roll attitude, je ne sais pas, en tout cas rock'n'roll Saturday, la journée ne sera pas terminée pour autant. Bien sûr. Non, parce que nous allons avoir une conférence avec un journaliste spécialisé dans le rock'n'roll et en même temps, il fera des insertions sur le rock, les artistes chorégraphiques ayant utilisé les musiques et les musiciens rock, justement. On aura également un bœuf, on a demandé à des amateurs de musique avec des instruments de venir nous faire un bœuf entre 20h et la conférence sera 16h30. Alors, les amateurs de jazz connaissent le bœuf, les amateurs de rock aussi, mais les plus jeunes peut-être, c'est quoi un bœuf ? Alors, c'est venir et puis jouer ensemble leurs instruments. Alors, ce qu'on a demandé, c'est quand même à Pierre Rigal et à Andrea Sitter de donner quand même des indications de musiciens. Alors, je crois qu'on aura Rolling Stone, Janis Joplin, enfin voilà, un tas d'artistes emblématiques et ces musiciens amateurs vont venir nous faire un bœuf. Le festival Armélé ne serait pas complet à Beson si on ne parlait pas de Sobre Printemps qui, lui, aura lieu sur scène le jeudi 24 janvier en ouverture de ce festival au Théâtre Paul-Éluard, donc là dans la grande salle. Dans la grande salle, donc on va recevoir Fabrizio Pasaglia. Fabrizio Pasaglia, on a eu le bonheur de le rencontrer il y a 2-3 saisons. C'était sa première pièce, il avait monté un Lagarce, l'apprentissage, et on avait été époustouflés, je crois que Jean-Joël l'avait accueilli à ce moment-là aussi. Et toi aussi, absolument. Donc on avait été époustouflés par la manière dont il avait mis en scène ce texte incroyable de Lagarce. Et pour le coup, c'est un artiste là aussi, mais totalement inclassable. On ne peut pas dire que ce soit un chorégraphe, on ne peut pas dire que ce soit un homme de théâtre pur. Enfin vraiment, il y a un rapport, un mélange totalement innovant dans son approche scénique. Et donc Sombre Printemps, c'est une création, donc on a souhaité l'accompagner dans sa deuxième pièce. Donc Sombre Printemps, c'est un test de Unique Azur, qui est un texte peut-être pas si réjouissant que ça, puisque il est question d'inceste, non? Il est question, en tout cas, d'une petite, non pas vraiment pas d'inceste, mais d'une petite fille qui tombe amoureuse d'un homme. Amour impossible. À sa recherche, et cet amour est impossible et peut conduire à la mort. Voilà. C'est une création. Au départ, on se dit rien de réjouissant tout ça. Rien de réjouissant, mais la mise en scène. Ce qu'on en sait, parce qu'on a vu quelques extraits, parce que j'ai la chance qu'il soit dans le studio du Théâtre de Beson à créer actuellement, c'est que donc, sa mise en scène, c'est une poupée collée à son corps, des électrodes qui vont faire bouger et son corps et cette poupée, bien évidemment. En tout cas, c'est pas la poupée entièrement, c'est des morceaux de poupée reconstitués sur son corps, c'est extrêmement visuel. Et la particularité qu'il a souhaité à cette pièce, c'est qu'on soit sur le plateau avec lui. Donc les spectateurs vont être autour de lui dans un dispositif scénique, je pense, très original, puisqu'on va être entouré de voilages, d'après ce que je sais. Encore une fois, c'est une création. Il y aura de la vidéo, puisque je crois que cette petite fille traverse tout Berlin, me semble-t-il, pour retrouver cet homme, et que il a filmé exactement le parcours du qui est dans le bouquin. Donc, on aura donc tout le chemin qu'a fait cette petite, en tout cas en vidéo derrière lui qui manipule sa marionnette. Avec l'idée, dans ce que vous venez d'exprimer, que quand il s'agit d'une création, on prend aussi une part de risque quand on est programmateur, comme vous l'êtes, dans cette aventure du festival Armélé. Oui, bien sûr, mais c'est très excitant. Hein. Une création, c'est une naissance, c'est... Voilà, on espère que le bébé sera le plus beau possible et le plus intéressant possible, mais en tout cas, la part de risque, elle fait partie vraiment. Puis si on ne faisait pas de création, on tournerait en rond. Hein. Sombre Printemps, c'est à voir effectivement le jeudi 24 janvier à 21h au Théâtre Paul-Éluard à Beson. Pour joindre le Théâtre Paul-Éluard à Beson, un téléphone, le 01 34 10 20

nous interroge sur nos origines, bien sûr, et sur nos instincts les plus profonds, sur cette sauvagerie qui peut-être nous entourer aussi. Et pour revenir ensuite à Olivier de Sagazan, qui lui, alors le premier est un artiste chorégraphe, mais qui se trouve là, utiliser la vidéo, qui utilise le mime, l'expression corporelle, on pourrait dire. Le corps comme partition. Comme partition. Olivier de Sagazan, lui, se sert de son corps comme les stratifications chez les Africains, c'est-à-dire il fait du body art. C'est un plasticien au départ. Et il met en scène, il met une performance dramatique à partir de sa figure, de sa tête, qu'il transforme en la transfigurant au travers des matières de couleurs qu'il se projette, qu'il se jette sur lui pour arriver dans une espèce d'immense poème un peu à la Artaud. D'ailleurs, il fait beaucoup référence à Artaud. C'est un artiste expressionniste, hein, sur le cri le cri du corps dans une société et son mal-être dans cette société. Sur la difficulté d'être. Les difficultés d'être. Hein. Mmh. Donc, il nous interroge là-dessus. Et cet ensemble de ces deux artistes, vraiment, nous font toucher ce que les poètes et les artistes nous prennent, nos propres contradictions. Hein, et nous renvoie à ce qui est le plus fragile de chacun de nous. Hein, mmh. Et nous renvoie à cela. Et à nos interrogations, l'un comme l'autre, dans des univers différents, nous invite à nous interroger. Voilà, c'est une grande interrogation et c'est une prise de position aussi, hein, sur nos sociétés. Donc, une soirée de spectacle, elle aura lieu le vendredi 1er février à 20h30 à l'auditorium de Coulanges. De Coulanges. Voilà. À Gonesse, commencement suivi de transfiguration. Venons-en à un autre univers, un autre projet, les cartographies. Oui, alors c'est un artiste, Frédéric Ferrer, qui part d'un constat extrêmement scientifique, très sérieux, n'est-ce pas, fait avec la NASA. Sur le réchauffement de la Terre. Sous la forme d'une sur conférence. Sur le réchauffement de la Terre, sous la forme d'une conférence théâtralisée. Mais au démarrage, on est persuadé d'assister à une conférence scientifique, bien sûr. Hein, tout à fait sérieuse, puisqu'il s'agit de démontrer que des canards imputrescibles, qui font partie de l'affiche d'ailleurs de cette année, hein, pas toujours comprise de périphérique, hein, pourquoi ce canard tourtignol trône-t-il au-dessus de périphérique? Ben parce que justement, les savants de la NASA l'ont jeté dans les failles de la croûte glaciaire du Nord-Canada, et en espérant les retrouver en mer pour démontrer la fonte de la couche glaciaire. Et on ne les retrouve pas. Alors donc, toute l'interrogation, est-ce que tout cela est bien sérieux, ce réchauffement, hein, je veux dire. Ça ne manque pas ni de poésie ni d'humour, pour le coup. C'est très sérieux. Hein, non, moi, je ne voudrais pas que vous transformiez cette soirée en soirée de clown. Hein, je veux dire, nous sommes... Suffisamment comme ça dans le petit écran. Oui. Vous voyez, je veux dire, non, nous sommes sur des choses sérieuses. D'ailleurs, elle complète cette conférence qu'il est obligé de condenser en une heure encore, sur la disparition des Vikings, dont on n'a jamais retrouvé les traces, bien sûr, de ces civilisations importantes, matricielles pour notre Europe générale. Et donc, il complète cette conférence avec la disparition des Vikings. Et je vous suggère donc de venir découvrir ce comédien, metteur en scène, scientifique, historien, dans une conférence des plus importantes sur l'est du département, bien sûr, et réservée à l'ensemble des habitants du territoire valdoisien. Et du voisinage, n'ayons pas peur d'inviter nos voisins également. Ce sera le mardi 29 janvier à 20h, toujours à l'auditorium de Coulanges à Gonesse. Puisqu'on parle d'histoire, on peut aussi parler de détournement de l'histoire, puisque on va assister à un détournement de l'histoire d'Hamlet. Ah ben absolument. Alors là, nous avons affaire à une équipe qui vient d'une partie de Paris, de l'Est de la France, hein, et qui, sur ce cordonnerie, le théâtre de la cordonnerie, alors qui sont des cinéastes, musiciens, hommes de théâtre, qui transfigurent un peu l'histoire dans une bande dessinée, dans une république lointaine de nous, mais dans laquelle peut-être on pourrait recevoir de grands comédiens comme futur ministre de la Culture, et sur un drame important, celui d'Hamlet, et les informations passent au travers d'un film joué en direct, bruité en direct, commenté en direct, et on ne sait pas trop si les gens de l'écran sont sur scène ou ce sont les gens de sur scène qui sont sur l'écran, et on a une confusion de genre comme ça, et c'est vraiment de 7 à 97 ans un vrai plaisir dramatique. Principe du ciné-concert avec musiciens et comédiens sur scène. Absolument. Mais l'image ne sera pas absente puisque c'est vraiment entre images et scène. Absolument. Également. Absolument. Super Hamlet. C'est le mardi 5 février à 14h30 pour les scolaires, puis pour le tout public à 20h à la salle Jacques Brel à Gonesse. Et en terminant aussi, on vous invite à venir vous coucher sur des nattes. On était un peu un brin hésitant. Mais... Oui, mais on vous invite à venir vous coucher sur des nattes dans une maison intergénérationnelle. Et coucher, c'est réel, quoi. Le public sera couché par terre. Mais José, en plus, vous aurez un casque, vous ne serez pas dérouté parce que vous aurez un casque sur les oreilles comme actuellement. Hein. Mais au lieu d'interviewer des gens, on vous contera une histoire intime, hein, dans chacune de vos oreilles, avec des bruits, des sonorités. Avec une voix intérieure. Avec une voix intérieure. Et qui viendra vous faire rêver, vous embarquer dans un voyage immense. Et ça s'appelle l'histoire de Clara ? Histoire de Clara. Et ça a lieu à Gonesse. Alors, avec plusieurs dates, pour cela, c'est bien, je vais recommander à nos auditeurs de bien noter le numéro de téléphone pour en savoir davantage sur la programmation de ces spectacles sur la commune de Gonesse, dans le cadre de Armélès Périphérique 9e édition. Le téléphone, c'est le 01 34 45 97 60, 01 34 45 97 60. Il y a également un site internet, celui de la ville de Gonesse, au www.ville-gonesse.fr. Également, un choix musical, un intermède proposé par Bernard Matonin. De quoi s'agit-il ? Alors, moi, j'ai choisi quelque chose de très périphérique, puisque c'est un morceau de Ligeti de 1958, donc de la musique contemporaine, hein, mais qui s'appelle Articulation, et qui est une œuvre tout à fait étonnante pour son époque, et qui rappelle que la modernité a presque maintenant, pas un siècle, mais presque, quoi. Thank you. L'apostrophe et les partenaires. Jean-Joël Le Chapelin, ce directeur de l'apostrophe, avec en effet autour de Périphérique de Armélé, 9e édition, beaucoup de points communs qu'on peut se confirmer au travers des programmations qui existent le reste du temps dans chacune de vos structures, à Cergy-Pontoise, comme à Beson, comme à Gonesse. C'est pas par hasard que vous vous êtes retrouvés tous les trois à l'initiative de cet événement. Non, c'est pas par hasard, c'est parce que d'abord nous partageons des points communs sur la place que nous attribuons à l'art dans la société. Et dans des établissements qui sont différents, nous partageons un même désir de faire apparaître l'émergence, un même désir d'aller à la rencontre des publics et un même désir d'avoir un type de qualité de relation qui identifie un peu nos pratiques. Voilà, c'est pas forcément de la même façon. Il suffit pas d'entrer dans une salle de spectacle pour que ce soit la même chose que dans la salle de spectacle d'avant ou d'à côté. Donc il y a un esprit, il y a un climat, il y a une recherche de la part des gens qui portent ces projets que nous sommes, qui fait que il y a ce désir d'une certaine philosophie, on pourrait dire le mot, je crois, de relation aux arts et au public. Et c'est pourquoi aussi des œuvres aussi dans cette rencontre sont amenées à circuler. Des artistes comme Fabrizio Pasaglia, des histoires de Clara dont parlait tout à l'heure Bernard. De manière un peu ironique, mais il ne faut pas retenir la partie humoristique de son propos, parce que l'histoire de Clara est une histoire qui part d'une histoire triste, puisque c'est une petite fille qui a échappé finalement à la Shoah en passant de main en main. Et donc ce qu'elle raconte, c'est un peu cette histoire d'humanité qui perdure. Mais on peut y voir aussi une chose, ce n'est absolument pas un spectacle triste, mais le fond de la question de l'humanité se trouve dans cette histoire. Et puis Olivier de Sagazan qui s'est retrouvé à plusieurs reprises qui se trouve l'année dernière et cette année dans nos programmations respectives, fait que finalement il y a la circulation aussi des publics. Donc, ce croisement nous paraît tout à fait pertinent. D'ailleurs, si on n'avait pas eu cette conviction, il y a bien longtemps que nous aurions arrêté. Festival Armélé, 9e édition périphérique du 22 janvier au 9 février. Je vous le rappelle, poursuivons le déroulé à la fois de cette émission, mais également de la programmation de ce festival. Prochainement, à l'affiche. Avec un des spectacles à l'affiche, où là, tout à l'heure, on parlait de difficultés parfois de se présenter, de définir, parce que il y a effectivement un certain nombre de spectacles qui sont difficiles à classer, à classifier, à définir. Et là, on est effectivement à la croisée des chemins, puisqu'il s'agit au départ d'un projet de recherche, où il est question même de recherche scientifique, et d'une croisée de chemin entre artistes et scientifiques. Autour du spectacle Un petit à côté du monde, avec donc Benoît Laos qui est l'un de nos invités et à l'origine de cette curiosité artistique, oserais-je dire. Oui, on n'hésite plus maintenant, nous, entre nous, à l'appeler un ovni, un objet vivant non identifié, puisque c'est effectivement un spectacle, mais qui a commencé par une recherche avec un laboratoire du CNRS qui s'appelle le LIMSI, qui est situé sur le plateau de Saclay à Orsay, autour de la captation de l'ombre. Donc numériquement, et puis son retraitement et son utilisation dans des mondes dans ce qu'on appelle une virtualité augmentée. Alors, ça n'était pas forcément l'aisance totale pour aboutir à passer de la recherche scientifique à la dimension artistique. Capter l'ombre, quelle ambition! L'intérêt des scientifiques, c'était d'obtenir des artistes des désirs d'œuvres, des désirs de forme, des désirs de sens. Et il se trouve que nous avons parcouru les œuvres de l'auteur japonais Haruki Murakami, qui est un auteur qui navigue toujours entre une réalité très concrète et une réalité onirique, une réalité du monde du rêve, mais qui est bien tangible et où l'ombre est très présente. Et du coup, on a utilisé l'œuvre de Murakami pour nourrir les travaux des scientifiques. Et les travaux des scientifiques ont nourri, nous, la création d'une œuvre qui s'appelle maintenant Un petit à côté du monde. Alors, sans être dans la traduction de cette œuvre littéraire. absolument pas, c'est une réécriture, c'est une sorte d'adaptation de notre parcours au sein des œuvres d'Haruki Murakami. Donc c'est une réécriture qui est très dans le style de Murakami. L'univers et le rythme du spectacle est très murakamiesque, mais ce n'est pas un texte de Haruki Murakami. Ah, en même temps, pas japonisant, parce qu'effectivement, si on fait cette relation avec l'auteur, on pourrait se dire, voilà une version, une approche venant du Japon, et ce n'est pas tout à fait le cas. Non, notre choix, c'était de dire, Murakami est un auteur japonais qui s'est inspiré de l'Occident. Nous sommes des artistes occidentaux qui nous inspirons de l'œuvre de Murakami et qui tentons de l'explorer, mais on ne peut pas se faire japonais comme ça d'un seul coup. Alors, le réel, le virtuel, on a recours sur scène à un travail d'acteur, un travail de musicien, je crois. Oui. Et l'image projetée, l'image vidéo est aussi présente ou pas ? L'image projetée est centrale dans le spectacle et en interaction, c'est-à-dire toujours dans la recherche d'une finesse entre le mouvement de l'acteur, le mouvement du musicien et la présence de la vidéo. Donc il y a une véritable interaction, à chaque fois différente, donc forcément, entre l'image et les performeurs, qu'ils soient comédiens ou musiciens. Quand on parle de recherche scientifique, on se dit, c'est la recherche, les chercheurs ne cessent de rechercher sans forcément aboutir dans leur recherche. Vous, il est question pour ce qui va être présenté dans le cadre de Périphérique Armélé 2013, ici donc. Ça se déroulera les 29 janvier et 30 janvier au Théâtre des Arts à Cergy-Préfecture, Cergy-Centre. C'est l'ultime version. Est-ce que ça peut bouger quand même d'ici là ? D'ici au 30 janvier ? Oui. Ça va encore bouger, forcément. C'est la 3.2. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à la 3.0. Nous serons à la version 3.2. Ça va bouger de toute façon, oui. Un petit à côté du monde, c'est le spectacle à voir au Théâtre des Arts à Cergy les 29 et 30 janvier prochains. Avec, autre spectacle à l'affiche, petit générique. L'apostrophe, l'émission sur RGB 99.2. Nous allons retrouver une autre invitée que nous avons interviewée au cours de cette journée, Judith Depaul, qui va nous présenter trois spectacles dans le cadre en fait d'une quadrilogie. C'est une première trilogie extraite de cette quadrilogie, Le Marteau, Le Ballon Ovale et Les Haltères. Nous la retrouvons. C'est l'idée d'un cycle de plusieurs spectacles sur la même thématique, donc d'une variation, il ne s'agit pas de refaire le même spectacle à chaque fois, mais de démultiplier les points d'entrée, les axes d'attaque. Et donc, ce que j'avais envie d'interroger, c'était le corps de la femme à travers le prisme du sport. Et donc, en l'occurrence, j'ai déjà réalisé trois spectacles. Un premier sur le lancer de marteau qui se passe en Pologne, un second sur le rugby qui se passe en France et un troisième sur l'haltérophilie qui se passe en Turquie. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, la motivation de travailler sur cette thématique ? Je crois que j'avais envie de raconter à ma façon les décalages que je pouvais opérer entre hommes et femmes et les résistances qui persistent dans la société française sur un certain nombre d'occupations, d'endroits où la femme est encore malvenue ou en tout cas on la regarde avec suspicion. Et c'est très clair que dans le sport, on regarde la femme avec énormément de suspicion. Plus ses résultats sont bons, plus on la soupçonne d'être un homme, car une femme qui est une bonne sportive éveille des doutes immanquablement sur comment se fait-il qu'elle puisse être aussi forte, comment se fait-il qu'elle puisse être aussi performante. Et en fait, on s'aperçoit qu'une fois qu'on déconstruit le prisme du sport, on peut appliquer ces choses-là à beaucoup d'endroits de la société française. Oui, je pense qu'on peut même aller jusqu'à dire que pendant très longtemps, quand on parlait du corps de l'athlète, c'était nécessairement un signe masculin, mais certainement pas un signe de féminité. Oui, bien sûr, parce que le corps de l'athlète est un corps viril. Or, on sait bien qu'une femme virile, c'est une équation que très peu de gens acceptent de faire. C'est-à-dire que c'est un corps qui est fort, c'est un corps En tout cas, c'est pas l'image qu'on a envie de donner de la femme. Et tout ça s'inscrit dans une tradition qui est malheureusement extrêmement vieille et qui a lieu avec le fait que la femme, le corps de la femme est fait pour procréer. Et que pendant des années, c'est pour ça qu'on lui a proscrit l'accès au sport, en pensant que le sport était nocif. En tout cas, un certain nombre de sports dits physiques ou violents étaient nocifs pour la procréation, et que la femme qui pratiquerait ce genre de sport ne serait pas apte à procréer. Alors, vous avez fait un travail de recherche, d'exploration, voire même de véritables investigations qui vous ont amené effectivement à avoir une matière importante en termes de témoignages en particulier, qui vous a donné de la matière suffisante pour proposer donc à l'apostrophe, dans le cadre de ce festival périphérique, trois spectacles. Je parlais de trilogie tout à l'heure, qui s'inscrit dans le cadre d'une quadrilogie. On dira un mot à la fin de la quatrième partie, qu'on ne verra pas ici, mais qui est un travail en cours. Oui, effectivement, c'est-à-dire que moi j'essaye de vraiment faire un des spectacles qui partent d'un matériau vivant. Donc pour ce faire, il faut bien que j'aille à la rencontre de ce matériau en question. C'est pour ça que je parle d'investigation, parce que je vais sur le terrain, que je passe un certain temps avec les témoins des sujets que j'aborde. Et là, en l'occurrence, je suis allée à la rencontre de ces sportives. Donc j'ai fait le voyage en Pologne, je suis allée rencontrer la première championne olympique du lancer de marteau, parce que elle, c'est une Polonaise. J'ai passé du temps avec elle dans son camp d'entraînement, j'ai fait plusieurs heures d'interview avec elle, j'ai fait beaucoup d'images d'elle à l'entraînement, dans sa vie privée, en train de recevoir des soins thérapeutiques. Et j'ai fait la même chose ensuite auprès de deux équipes franciliennes de rugby que j'ai suivies pendant une saison. Et j'ai recomposé à partir de deux équipes, une qui est à Soisy, une à Soisy qui évolue qui est dans le 95 et qui évolue en 3e division, et une qui est à Bobigny, donc en Seine-Saint-Denis, et qui évolue en top 10. Je les ai suivies pendant une saison, et à partir de ces deux équipes, j'ai refondé ma propre équipe. Donc une fois que j'ai choisi mes 15 joueuses, de l'occasion de la rencontre, des caractéristiques qu'elles présentaient, j'ai pris des interviews avec elles, donc j'ai eu beaucoup de matériel. Et même chose quand je suis allée en Turquie, je suis allée à la rencontre de cette sportive dans son club d'entraînement. Je l'ai aussi également filmée et interviewée pendant des heures. Alors, toute cette matière recueillie est transformée sous la forme de spectacle, avec un travail à la fois d'interprète sur scène. Je crois que votre parti pris, c'était de recourir à des monologues, ou en tout cas des acteurs ou comédiennes et une danseuse, mais en même temps, n'intervenant pas seul sur scène, puisqu'il y a un gros travail autour de la vidéo, de l'image filmée. Oui, effectivement, à chaque fois, c'est une interprète qui est là pour porter à la fois la parole de ces sportives, mais également une parole, on va dire, plus revendicatrice, qui serait la mienne. Et en même temps, elles ne sont jamais seules, parce qu'il y a des projections en continu des sportives que je suis allée rencontrer, et donc un jeu qui s'opère, une interaction qui s'opère entre les projections sur les écrans et le jeu des interprètes. Et on est allé un peu plus loin dans le troisième, sur l'haltérophilie, où on a considéré que le corps de la danseuse était également un écran de projection. Et donc il y a tout un travail qui se fait, notamment sur la projection en mouvement, parce qu'on a mis au point un système un vidéoprojecteur motorisé qui suit les mouvements de la danseuse et qui permet de faire de la projection dans le mouvement. Dans le choix des comédiennes et de la danseuse, il y a eu aussi un critère lié à la performance sportive, nécessairement, au-delà de l'incarnation de la féminité. Oui, parce que je pense que ce qui est quand même assez original dans ces spectacles, c'est qu'ils se trouvent à la lisière entre la performance au sens où on l'entend habituellement de comédienne pour un spectacle, mais aussi celui de la performance sportive, puisque je me sers évidemment des sports qui ont nourri ma réflexion Et j'en ai retiré à la fois des mouvements, à la fois une esthétique, à la fois, une construction à partir des règles que chaque sport propose. Et du coup, c'est vrai que je me suis heurtée à quel type de comédienne. Dans le cadre de la danseuse, c'était plus clair, puisque bon, on peut assimiler la danse à un sport. De trouver des comédiennes qui aient la capacité sportive, physique pardon, de tenir une performance sportive. Donc j'ai dû orienter mon choix et m'adresser à des comédiennes qui avaient un passé sportif, ce qui est le cas. Donc par exemple, dans l'interprète qui joue le marteau, elle, c'est une ancienne handballeuse. Et la comédienne qui joue le rugby, c'est une ancienne nageuse. Le travail ou la réflexion, elle est à la fois double sur le regard que la sportive peut porter sur elle-même en tant que femme et sportive, mais aussi le regard de l'autre, des autres, sur le corps de la femme sportive. Oui, c'est ce double regard, c'est-à-dire c'est à la fois est-ce que ces sportives ressentent, enfin, en tout cas comment vivent-elles, pardon, leur pratique, comment vivent-elles leur corps qui s'est transformé depuis qu'elles pratiquent du sport, et ensuite comment est-ce qu'on les regarde et comment est-ce qu'elles vivent ce regard ou pas. Voilà, c'est vraiment un aller-retour constant entre elles de l'intérieur et le regard qu'elles portent sur leur corps et leur dite féminité et le regard extérieur de la société ou de leur entourage. Il y en a qui, pareil, apprécient ou n'apprécient pas cet engagement. C'est vrai que dans la société aujourd'hui, il y a énormément de stéréotypes qui prédominent toujours sur l'image de la femme dans le sport. Et j'imagine que ce travail qui est le vôtre doit bousculer un petit peu les habitudes de ce monde sportif qui reste encore très masculin, en ayant une image de la femme sportive qui serait peut-être une image réservée à certaines pratiques sportives, mais pas à toutes. Beaucoup d'inégalités encore dominent dans ce milieu. Oui, il y a encore beaucoup d'inégalités. Il y a, si vous voulez, l'idée que le sport est un territoire masculin et que donc à partir du moment où une femme empiète sur ce territoire, il faut qu'elle fasse presque preuve d'hyperféminité pour avoir la légitimité d'exercer cette pratique. C'est-à-dire que plus qu'une femme est performante, plus on va lui demander de justifier qu'elle est féminine, parce que une femme, on ne peut imaginer une femme pratiquant un certain nombre donc, de sports dits virils que si elle conserve entièrement ce qu'on appelle des critères de féminité. Sinon, ce n'est pas possible parce qu'elle se met à ressembler à un homme. Et ça, effectivement, à la fois dans le milieu, mais à la fois dans la société française, c'est quelque chose d'absolument impensable. Et il suffit de voir que dès qu'il y a une femme qui remporte des performances trop grandes ou qui tout d'un coup a un aspect trop masculin, eh ben, on remet en cause sa féminité en allant regarder si effectivement, biologiquement, elle présente tous les critères qu'il faut d'une vraie femme. Et ça fait des années que cette bataille-là est instaurée dans le sport où on demande aux femmes de prouver leur féminité. Au-delà du regard critique, au-delà peut-être aussi de cette réflexion à partager avec le public au travers de ces spectacles, il s'agit d'abord et avant tout de spectacles. Il s'agit avant tout de spectacles, bien sûr. Donc il s'agit aussi de faire comme ça le pari que le sport, c'est aussi un sujet et une matière pour faire des beaux spectacles, qu'il y a des choses extrêmement esthétiques. Donc ça, c'est la partie, je dirais, formelle. Moi, je trouve que le sport, en fait, est un endroit extrêmement riche et où il y a, en fait, beaucoup de croisements, beaucoup plus qu'on ne croit avec la performance du comédien et l'acte, je dirais, de création sur un plateau. Il y a beaucoup de points de convergence. Voilà. Donc c'est à la fois, évidemment, faire des spectacles avec des formes originales, mais aussi qui portent un contenu assez engagé. Un processus de création qui se poursuit, puisqu'on vient de parler d'une trilogie qui s'inscrit dans le cadre d'une quadrilogie. Donc le quatrième volet sera sur cette même variation, mais avec un prolongement, un regard singulier. Alors oui, ce sera un tout petit peu différent dans la mesure où je ne vais pas aborder un quatrième sport, mais je vais aller voir du côté de l'ancienne RDA et du programme qu'avait mis en place la Stasi pour de dopage et en particulier en direction des femmes, puisque pour mémoire, dans l'opposition du bloc Est-Ouest et la guerre froide, l'enjeu sportif était énorme et la RDA, si vous vous souvenez bien, a eu à un moment donné été un des pays qui remportait le plus de médailles, et donc l'accent a été très fortement mis sur les femmes puisque c'était un nouveau territoire à conquérir, puisque une fois de plus, aux Jeux Olympiques, les femmes sont rentrées très très progressivement et c'est à peu près maintenant qu'on peut dire qu'on est à égalité. Donc il y avait un gros enjeu à jouer du côté des femmes, et donc il y a un programme et toute une équipe de médecins payés par le gouvernement qui ont mis en point des systèmes de dopage extrêmement performants pour viriliser les femmes. Avec les conséquences qu'on connaît aujourd'hui, à savoir des femmes qui ont des problèmes de santé terrifiants et souvent aussi des problèmes de descendance. Merci Judith Depaul. Je rappelle ce travail en trois volets à l'occasion de Périphérique Armélie 2013, corps de femmes, corps au pluriel, comme on l'a bien compris dans le cadre de cet échange avec vous. Merci. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2. Nous en arrivons pour la suite et la fin de cette émission au coup de cœur de Jean-Joël Le Chapelins, un spectacle à ne pas manquer dans le cadre de Périphérique Armélie. Même si tous les spectacles que nous avons annoncés, il ne faut pas les manquer et les rater pour rien au monde. Mais celui-ci, il a quelque chose de singulier. Il a quelque chose un peu de plus. D'ailleurs, dans la communication que notre collaborateur Arnaud Vasseur fait circuler dans la ville de Cergy-Pontoise aujourd'hui, le titre collé à ce spectacle, enfin, la suggestion, c'est « S'abandonner ». Et donc, en effet, ce spectacle un peu naturaliste, qu'est celui de Gisèle Vienne, qui a un titre anglais, alors ça fait toujours un petit peu, si ce n'est aristocratique, du moins un peu intello, n'est-ce pas, de sortir des titres anglais, mais on ne peut pas demander à Gisèle Vienne de changer son titre. Mais c'est le titre qu'elle nous met, qui est « This is how you will disappear », qu'est-ce que c'est, comment vous avez disparu, comment tu as disparu. Et donc on comprend le titre lorsqu'on entre dans la salle, puisque c'est un spectacle extrêmement naturaliste, je le disais, puisque nous n'entrons pas dans la salle, presque nous entrons dans une forêt, et une forêt dans laquelle il y a de l'humidité, il y a des sons qui ont un écho tout à fait particulier et tout à fait semblable à celui que l'on peut avoir lorsque il nous arrive d'entrer dans une forêt, de marcher sur les feuilles mortes, sur les bouts de branchages, etc. Et donc dans cet univers dans lequel nous plonge Gisèle Vienne, de formation marionnettique, eh bien nous distinguons à travers les branches des arbres de la forêt, nous distinguons une histoire, puisque c'est une gymnaste qui est censée s'entraîner dans la forêt et qui se fait assassiner, mais nous ne voyons pas de sang, nous ne voyons pas de choses bien critiquables sur ce terrain-là, sauf la dimension tout à fait esthétique de ce spectacle qui est tout à fait formidable et qui est une sorte d'expérience de vie, parce que les moyens techniques qui sont mis en place, qui sont assez rares, ont une grande efficacité et qui nous transportent quelque part un petit peu plus ailleurs que le spectacle, même si d'habitude dans le spectacle on est évidemment souvent transporté, mais là tous les moyens sont mis pour que nous soyons baignés finalement dans cet univers. Et c'est une expérience que l'on recommande chaleureusement aux spectateurs. Avec des moyens techniques en effet tout à fait particuliers, je vois parmi dans la distribution un sculpteur de brume. Pour exactement, c'est une femme qui a beaucoup travaillé les moyens techniques pour reconstituer en effet dans l'atmosphère transitoire qui est celle de la salle de spectacle par définition, bah, de reconstituer ce que nous ressentons lorsque nous trouvons un crachin londonien ou parisien, pourquoi pas, dans ces univers un petit peu gris, sombres, et où on a la peau qui est humectée de l'humidité ambiante, et c'est véritablement singulier. Et cela fait partie des recherches que j'évoquais, qui donnent à ce spectacle une épaisseur tout à fait particulière. Juste comme il s'agissait du coup de cœur de Jean-Joël, il va nous redire le titre de ce spectacle. This is How You Will Disappear, hein, de Gisèle Vienne. Les 5 et 6 février, à voir au Théâtre des Louvrais à Pontoise, à l'affiche de l'apostrophe. Ainsi s'achève notre émission. Pour suivre les actualités ou pour toute information concernant l'apostrophe, cette émission également, mais le reste de la programmation et de toute la saison à venir à l'apostrophe à Cergy-Pontoise, vous composez le 01 34 20 14 14, 01 34 20 14 14, ou bien sur le site internet à l'adresse suivante, le www.lapostrophe.net. Remerciements tout particuliers à Arnaud Vasseur qui a préparé cette émission. Puisque j'indiquais les sites internet, je rappelle celui de Besonce au www.tpebesonce.fr, et pour la ville de Gonesse, le www.ville-gonesse.fr, pour avoir toutes les actualités concernant la programmation de ce festival Art Mêlé 9e périphérique. Un mot de conclusion peut-être, non. Pour votre prochain rendez-vous avec l'apostrophe l'émission, eh bien, je vous propose de nous retrouver le mercredi 13 février de 19 à 20h, ou bien encore le samedi 16 février de 12 à 13h. D'ici là, bon spectacle à tous, à bientôt sur RGB, sur le 99.2 FM et aussi sur internet au www.radio-rgb.net. Bonsoir. L'apostrophe, l'émission. Chaque deuxième mercredi du mois, de 19h à 20h. L'émission, coproduite par l'apostrophe, scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val-d'Oise, et votre radio locale, RGB 99.2.